Ils achètent des maisons, ils commencent des romans. Prépare une évasion ou veulent un autre enfant. Ils se chantent des musiques en secret, en silence. Leurs idées politiques ont 50 ans d'avance. À compter dans les nuées les moutons d'insomnie. Il y a des hommes qui ne dorment jamais. Ils se souviennent d'une femme qu'ils aimaient. Il y a des hommes qui ne dorment jamais. Ils se souviennent d'une femme qu'ils aimaient. Ils ont parfois la haine d'un mot sans importance.